啦啦啦啦啦。 Je saurais tenter les mots pour te retenir. Je saurais pas de bout de tout, au bout de tout ce temps. Qu'avons-nous à nous dire? L'amour se cogne à l'épreuve du temps. Il nous reste le pire. À tous ces mots qu'on ne sait jamais dire. À tout ce que j'attendais. Là dans la peau, y'a rien à faire. Elle le sait bien, mais elle s'en va pour ne pas avoir à faire du mal. Ça ne sert à rien. On se rêve à l'ébrutale. À ces gays sûrs, tu ne voulais pas. Elle voudrait bien t'entendre dire les mots simplement. Sortir de l'eau.